scène et chope le MIC. Les MC gueulent à l'aide mais y'a personne pour les aider. Rap trop sauvage t'as pas idée. Ma gueule en live c'est bien plus hoche que ma seule voix sur CD. Et pour me revoir en concert les chansons minces voire même crier. J'ai perdu le goût, marre des plans trop nazes. Un public sourd indigne de mes phases. Tu veux savoir ce que je pense du hip-hop? J'irais que c'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui cette culture nous échappe. Le mouvement s'est trompé, route le pire mec je m'en tape. J'ai d'autres chats fouettés, d'autres chats à faire miauler. Trop de street CD à presser. Demain c'est tout de suite, sois pas pressé. Hier c'est mort, j'ai rien vu passer. Quand je pense que les gars de la secte Abdoulaye ont fait un featuring avec le vieux Ataï de la pub optique 2000. Ça avait niqué mes souvenirs d'adolescent dans style. Le hip-hop on l'a vu naître et fait en sorte qu'il se développe. Nouvelle école à l'époque, chacun son clan, chacun son équipe. Le hip-hop est mort depuis un moment, d'après le légiste. Hier ça nous paraît si loin, demain c'est tout de suite. Le hip-hop on l'a vu naître et fait en sorte qu'il se développe. Nouvelle école à l'époque, chacun son clan, chacun son équipe. Le hip-hop est mort depuis un moment, d'après le légiste. Hier ça nous paraît si loin, demain c'est tout de suite. Vas-y capte les phases. Qui te coupe le souffle, Matt qui te met les baffes et qui reçoit les poufs, ça demande du taf de faire des gages et les poufs. Et c'est grave le nombre de gars qui se trouvent au bord du gouffre. Des beats deviennent des chattes, des queues deviennent des foufs. Des contrats paraffes ont eu odeur de soufre. Pour ceux dans le break, dans le grave, dans un rap qui se retrouve loin des soutifs qui se dégrafent, des gueules en première de groove. Sur les instrus qu'on balafre, loin de ce putain de move. On esquive les entraves pour pas finir au fond des touves. Y'a un changement de rime, pour les 6 dernières mesures. Regarde qui commet les crimes et qui t'aura à l'usure. C'est pour mes gars qui chiment, qui se tordent comme des ordures. Pour ceux qui boivent pas de bibine et qui ont su garder leur corps pur. Écoute le morceau qui combine rappeur et lyrics durs. CD de merde déchire, c'est la seule chose dont je sois sûr. Le hip hop on l'a vu naître et fait en sorte qu'il se développe. Nouvelle école à l'époque, chacun son clan, chacun son équipe. Le hip hop est mort depuis un moment, d'après le légiste. Hier ça nous paraît si loin, demain c'est tout de suite. Le hip hop on l'a vu naître et fait en sorte qu'il se développe. Nouvelle école à l'époque, chacun son clan, chacun son équipe. Le hip hop est mort depuis un moment, d'après le légiste. Hier ça nous paraît si loin, demain c'est tout de suite. Je me souviens mon premier flow, premier rime, premier crew, mon premier mic, mon premier scratch, mes premiers samples, ma première scène, mon premier graph, mon premier live sur Andertienne. J'étais parmi ceux qui posaient à l'époque du premier NTM. Qui aurait pu prédire que le truc prendrait autant d'ampleur sur les médias, un tel impact? Qui aurait pensé que Skyrock serait premier sur le rap? Qui parmi nous aurait pu croire que le mouvement perdrait enfin le cap? Enfin la combinaison, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Après une tonne de projets, fallait bien un jour s'occuper de nos gueules. On taffe dans les sous-sols de la zik, dans le rôle du grain de sable qui dérègle toute la mécanique. Un rap qui vient du fond des tripes, qui a la couleur des briques, une touche mélancolique et une odeur d'alcool qui irrite. Des lyrics explicites, des beats qui te défoncent comme du shit. Du son ici, pour les bas-fonds, un nouveau hit. Un nouveau hip hop on l'a vu naître et fait en sorte qu'il se développe. Nouvelle école à l'époque, chacun son clan, chacun son équipe. Le hip hop est mort depuis un moment, d'après le légiste. Hier ça nous paraît si loin, demain c'est tout de suite. Le hip hop on l'a vu naître et fait en sorte qu'il se développe. Nouvelle école à l'époque, chacun son clan, chacun son équipe. Le hip hop est mort depuis un moment, d'après le légiste. Hier ça nous paraît si loin, demain c'est tout de suite. Le hip hop on l'a vu naître et fait en sorte qu'il se développe. Nouvelle école à l'époque, chacun son clan, chacun son équipe. Le hip hop est mort depuis un moment, d'après le légiste. Hier ça nous paraît si loin, demain c'est tout de suite. Le hip hop on l'a vu naître et fait en sorte qu'il se développe. Nouvelle école à l'époque, chacun son clan, chacun son équipe. Le hip hop est mort depuis un moment, d'après le légiste. Hier ça nous paraît si loin, demain c'est tout de suite.